France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. C'est l'une des lettres les plus célèbres que compte la littérature contemporaine. En 1919, Franz Kafka a 36 ans et déjà l'essentiel de sa production littéraire derrière lui. Il mourra 5 ans plus tard. Depuis les montagnes de Bohême où il séjourne en compagnie de son ami Max Brod, il écrit à son père une longue lettre qu'il ne lui remettra jamais. Une lettre d'avocat, dira-t-il à son amie Milena Jesenska, qui met en œuvre, point par point, une stratégie de défense. Plaidoirie, mais aussi règlement de compte, tentative d'auto-analyse, missive d'amour et de haine, publiée pour la première fois en 1953 seulement, dans la première édition des œuvres complètes de son auteur. Cette lettre éclaire l'œuvre d'un jour nouveau, mais peut aussi se lire et s'entendre pour elle-même. En 1997, André Dussolier en faisait résonner les mots au cours d'une lecture organisée en public dans le grand auditorium de la Bibliothèque nationale de France. En collaboration avec la Bibliothèque nationale de France, parole donnée. André Dussolier lit des extraits de la lettre au père de Franz Kafka dans la traduction de François Rey. Cet enregistrement a été effectué le 26 mars 1997 au grand auditorium de la Bibliothèque nationale de France. Lettre au père de Franz Kafka. Très cher père, tu m'as demandé l'autre jour pourquoi je dis que je te crains. Comme d'habitude, je n'ai rien su te répondre, en partie justement à cause de la crainte que j'ai de toi, en partie parce qu'il me faut, pour expliquer cette crainte, entrer dans une foule de détails dont je ne pourrais rendre compte oralement avec tant soit peu de cohérence. Et si j'essaie ici de te répondre par écrit, ce ne sera encore que de manière très incomplète parce que, même à l'écrit, la crainte et ses conséquences entravent ma relation avec toi. Et parce que le sujet, par son ampleur, excède de beaucoup ma mémoire et mon entendement. Ton point de vue est en gros celui-ci, toute ta vie. Tu as travaillé dur, tu as tout sacrifié pour tes enfants, pour moi surtout. J'ai mené en conséquence une vie de pacha. J'ai eu entière liberté d'apprendre ce que je voulais, j'ai été préservé de tout souci matériel, donc de toute espèce de souci. Tu n'as jamais exigé en échange aucune gratitude, tu connais la gratitude des enfants, mais tu aurais tout de même attendu ici ou là un geste dans ta direction, un signe de sympathie. Au lieu de quoi, je n'ai cessé depuis toujours de me cacher de toi, pour me réfugier dans ma chambre, dans les livres, dans la fréquentation d'amis détraqués, dans des idées extravagantes. Je n'ai au demeurant aucun sens de la famille, je ne me suis jamais intéressé au magasin ni à tes autres affaires, je me suis déchargé sur toi de la gestion de l'usine avant de te laisser complètement tomber, j'ai soutenu ma sœur Otla dans son entêtement, enfin, alors que je ne bouge pas le petit doigt pour toi, je fais tout pour mes amis. Si tu résumes ton jugement sur moi, il apparaît que tu ne me reproches rien en vérité de proprement inconvenant ou méchant, mais une attitude étrangère, de la froideur, de l'ingratitude. Et cela, tu me le reproches comme si j'en étais coupable, comme si j'avais pu donner un autre cours aux choses, tandis qu'il n'y a pas de ton côté la moindre culpabilité. Cette façon que tu as de présenter les choses, je n'y souscris que dans la mesure où, moi non plus, je ne te crois absolument pas coupable du fait que nous sommes devenus étrangers l'un à l'autre. Mais cette non-culpabilité est aussi la mienne, et tout aussi absolument. Si je pouvais t'amener à le reconnaître, ce serait la porte ouverte, non pas sans doute à une nouvelle vie, nous sommes tous deux beaucoup trop vieux pour ça, mais à une sorte de paix. Sinon à la cessation, du moins à un relâchement de tes incessants reproches. Naturellement, je ne dis pas que ton action sur moi suffit à expliquer ce que je suis devenu. Ce serait très exagéré et j'ai moi-même tendance à verser dans cette exagération. Rien ne permet d'affirmer que si j'avais grandi sans subir la moindre influence de ta part, j'aurais pu devenir un homme selon ton cœur. Il est probable que je serais quand même aujourd'hui un être souffreteux, craintif, hésitant, inquiet, mais tout autre cependant que je ne suis et nous aurions parfaitement pu nous supporter. J'aurais été heureux de t'avoir pour ami, pour patron, pour oncle, pour grand-père et même, avec plus d'hésitation déjà, pour beau-père. Mais comme père, précisément, tu étais trop fort pour moi. D'autant que mes frères étaient morts en bas âge, que les sœurs sont venues bien plus tard et qu'il m'a donc fallu soutenir tout seul le premier choc, ce pourquoi j'étais beaucoup trop faible. Compare-nous tous les deux. Moi, pour faire très court, un levis par ma mère, avec un certain fond Kafka qui justement n'est pas stimulé par cette volonté qui porte les Kafka vers la vie, les affaires, la conquête, mais par un aiguillon levis, plus secret, plus farouche, qui agit dans une direction différente et souvent n'agit plus du tout. Toi, en revanche, un vrai Kafka par la force, la santé, l'appétit, la puissance vocale, l'éloquence, le contentement de soi, la hauteur en toutes choses, la persévérance, la présence d'esprit, la connaissance des hommes, une certaine largeur de vue, avec naturellement tous les défauts et les faiblesses qui sont le revers de ces qualités et dans lesquelles te précipite ton tempérament et tes brusques colères. Nous étions si différents. Et dans cette différence si dangereuse l'un pour l'autre, que si d'aventure on avait voulu calculer à l'avance comment moi, l'enfant qui lentement se développait, et toi, l'homme fait, nous allions nous comporter l'un envers l'autre, on aurait pu supposer que tu allais tout simplement m'écraser et qu'il ne resterait rien de moi. Or, ce n'est pas ce qui s'est produit. Le vivant ne se laisse pas calculer, mais il s'est produit pire, peut-être. J'étais un enfant craintif. Je n'en étais pas moins têtu, comme le sont les enfants. Il est certain aussi que mère me gâtait, mais je ne peux pas croire que j'ai été particulièrement difficile à mener. Je ne peux pas croire qu'avec un mot gentil, un bon regard, en me prenant simplement par la main, on eût pu obtenir de moi tout ce qu'on voulait. Or, tu ne sais t'y prendre avec un enfant qu'en restant l'homme que tu es. Donc, en recourant à la force, au bruit, à la colère, ce qui dans mon cas te semblait d'autant plus approprié que tu voulais faire de moi un garçon fort et courageux. De mes premières années, je n'ai le souvenir direct que d'un incident. Tu t'en souviens peut-être aussi, c'était une nuit, je n'arrêtais pas de geindre pour avoir de l'eau, non pas à coup sûr parce que j'avais soif, mais à la fois pour embêter le monde et pour me distraire. Comme les menaces, pourtant sévères et répétées, n'y faisaient rien, tu finis par me sortir du lit et tu me portas jusqu'au balcon, la pavlatche, où tu me laissas seul un moment, debout en chemise, devant la porte fermée. Je ne veux pas dire que ce fut une erreur, peut-être n'y avait-il vraiment pas d'autre moyen à l'époque de dormir en paix. Je veux simplement, en évoquant ce fait, caractériser tes méthodes d'éducation et l'action qu'elles ont exercée sur moi. La leçon sans doute me rendit plus docile, mais intérieurement elle me porta préjudice. Des années après, j'étais encore torturé à la pensée que ce géant, mon père, la dernière instance, était capable, presque sans raison, de venir la nuit me sortir du lit pour me porter sur le balcon et que j'étais donc un tel rien pour lui. Ce n'était alors qu'un petit début, mais ce sentiment de nullité qui si souvent me domine tient pour beaucoup à ton influence. J'aurais eu besoin qu'on m'encourage un peu, qu'on me témoigne un peu de gentillesse, qu'on dégage un peu le chemin devant moi, au lieu de quoi tu me le barrais, dans l'intention certes louable de m'en faire prendre un autre, mais pour lequel je n'étais pas fait. Tu me félicitais par exemple quand je marchais au pas, et saluais comme il faut, mais je n'étais pas un futur soldat. Tu me félicitais de même quand je me forçais à manger beaucoup, qui plus est en buvant de la bière, ou bien quand j'étais capable de reprendre des chansons que je ne comprenais pas ou de répéter, comme un perroquet, tes expressions favorites. Mais rien de tout cela n'appartenait à mon avenir. J'aurais eu besoin d'être encouragé en toutes circonstances. J'étais déjà écrasé par ta simple apparence physique. Je me souviens par exemple de ces jours à l'école de natation où nous nous déshabillions ensemble dans une cabine. Moi, maigre, faible, corps étroit, toi grand, fort, large. Dans la cabine, déjà, je me faisais un effet lamentable, non seulement face à toi, mais face au monde entier, car tu étais pour moi la mesure de toute chose. Et lorsqu'ensuite nous sortions pour aller vers les gens, moi te tenant la main, petit squelette flageolant, pieds nus sur les planches, paralysé par la peur de l'eau, incapable de répéter les mouvements de la nage que dans une louable intention, mais de fait, à ma grande honte, tu faisais et refaisais inlassablement devant moi, alors j'étais très désespéré. Et à de tels moments, tous les déboires que j'essuyais dans tous les domaines se répondaient en moi dans une harmonie grandiose. À cela faisait écho ta souveraineté intellectuelle. Tu t'étais élevé seul à la force du poignet, d'où cette confiance illimitée que tu affichais dans ta propre opinion. De ton fauteuil, tu gouvernais le monde. Ton opinion était la bonne, tout autre était démente, extravagante, anormale. Tu étais capable, par exemple, de vitupérer contre les Tchèques, puis contre les Allemands, puis contre les Juifs, et ce, non seulement à propos de détails, mais à propos de tout. Si bien que pour finir, il ne restait plus personne en dehors de toi. Tu acquis à mes yeux cette dimension énigmatique qu'ont tous les tyrans, dont la raison fait autorité en vertu d'un droit fondé sur leur personne et non sur la pensée. C'est du moins ce qu'il me semblait. Et de fait, tes raisons l'emportaient sur les miennes plus souvent qu'à leur tour. Toutes ces idées en apparence, indépendantes de toi, étaient d'emblée grevées par ton jugement négatif. Et je ne parle pas ici de je ne sais quelle haute pensée, mais de n'importe quelle petite affaire d'enfant. Il suffisait d'être heureux à propos d'une chose quelconque, d'en être empli, et d'en parler une fois rentré à la maison. La réponse était un soupir d'ironie, hochement de tête, un tapotement de doigts sur la table, oh, j'ai déjà vu beaucoup mieux. Ou bien, c'est à moi que tu viens dire ça? Ou bien, si tu crois que j'ai la tête à ça? Ou bien, ça te fait une belle jambe? Ou bien, en voilà un événement? Bien entendu, on ne pouvait pas exiger que tu t'enthousiasmes pour des bagatelles d'enfants, alors que tu vivais dans la peine et le souci. Là n'était pas non plus le problème. Le problème était plutôt que tu ne pouvais t'empêcher de ménager régulièrement et systématiquement des déceptions de ce genre à l'enfant, en vertu de ton caractère opposé au sien. Ce qui valait pour les idées valait aussi bien pour les hommes. À peine avais-je montré un peu d'intérêt pour quelqu'un, ce qui n'arrivait pas très souvent étant donné mon caractère, que sans le moindre égard pour mon sentiment, sans même considérer mon jugement, tu te répondais en injures, en calomnies, en propos avilissants. Moi aussi, bien sûr, j'ai eu plus d'une fois des mots blessants pour toi, mais chaque fois je le savais, j'en souffrais, mais je ne pouvais pas me dominer, je ne pouvais pas retenir le mot. À peine l'avais-je prononcé que déjà je le regrettais. Tandis que toi, tu assénais froidement tes mots, sans pitié, pour personne, ni pendant, ni après. On était devant toi, absolument sans défense. Et ainsi en allait-il de toute ta pédagogie. Les repas étant à l'époque la principale occasion que nous avions d'être ensemble, ton éducation consistait en grande partie à m'enseigner la manière correcte de se tenir à table. Tout ce qui venait sur la table devait être terminé. La qualité de la nourriture ne souffrait pas la discussion, mais toi, souvent, tu la trouvais immangeable. Cet abruti, la cuisinière, avait encore gâché la bouffe. Comme tu avais un puissant appétit et une propension particulière à tout manger vite, brûlant et à grande bouchée, l'enfant devait se dépêcher. Il régnait autour de la table un silence lugubre, entrecoupé de remontrances. « Mange d'abord, tu parleras après. » Ou bien « Plus vite, plus vite, plus vite. » Ou bien « Tu vois, j'ai fini depuis longtemps. » On n'avait pas le droit de ronger les os. Toi, si. On n'avait pas le droit de licher le vinaigre à même la cuillère. Toi, si. Le pain devait absolument être coupé droit, mais que tu utilises pour le faire un couteau dégouttant de sauce était indifférent. Il fallait veiller à ce qu'aucune miette de nourriture ne tombe à terre. Et pour finir, c'était sous ta place qu'on en trouvait le plus. À table, on ne devait s'occuper que de manger. Mais toi, tu te curais et te coupais les ongles. Tu taillais des crayons. Tu te nettoyais les oreilles au cure-dents. Je t'en prie, père, comprends-moi bien. Ces choses auraient pu être des détails en soi parfaitement insignifiants. Elles ne devenaient sérieuses pour moi que dans la mesure où toi-même, l'homme qui faisait si prodigieusement autorité à mes yeux, tu n'observais pas les commandements que tu me dictais. Le monde, dès lors, m'a paru divisé en trois. Un monde où je vivais en esclave, sous des lois qui n'avaient été forgées que pour moi, et auxquelles, par-dessus le marché, sans savoir pourquoi, je ne pouvais jamais satisfaire pleinement. Un deuxième monde, infiniment éloigné du mien, dans lequel tu vivais, occupé à gouverner, à distribuer les ordres et à te mettre en colère parce qu'il n'était pas suivi. Un troisième monde, enfin, où le reste des gens vivaient heureux, ignorant des ordres et de l'obéissance. J'étais continuellement dans la honte. Soit j'obéissais, et c'était la honte, car tes ordres ne valaient que pour moi. Soit je me rebellais, et c'était encore la honte, car de quel droit osais-je me rebeller contre toi? Ainsi roulaient non pas les pensées, mais les sentiments de l'enfant. L'impossibilité d'un rapport serein avec toi eut une autre conséquence, bien naturelle en vérité. Je désappris à parler. Sans jamais devenir un grand orateur, même dans d'autres conditions, j'aurais pu à tout le moins maîtriser le langage humain ordinaire. Mais tu m'as très tôt interdit la parole. Et on ne réplique pas. Cette menace et la main que tu levais en la proférant n'ont cessé depuis lors de m'accompagner. Je me mis à adopter devant toi, tu es un excellent orateur dès qu'il s'agit de choses qui te concernent, une élocution heurtée, bégayante, mais c'était encore trop à tes yeux, et je finis par me taire. D'abord peut-être dans un geste de rébellion, puis parce que je ne pouvais plus ni penser ni parler devant toi. Et comme tu étais mon véritable éducateur, ma vie entière s'en est ressentie. Tes moyens oratoires en matière d'éducation, des moyens extrêmement efficaces et qui avec moi du moins ne manquaient jamais leur effet, étaient l'injure, la menace, l'ironie, le rire méchant et, curieusement, la lamentation sur soi-même. Je ne me souviens pas que tu m'aies jamais injurié de façon directe, avec des mots explicitement injurieux. Ce n'était pas non plus nécessaire. Tu avais tant d'autres moyens et qui plus est, les injures s'abattaient en tel nombre sur d'autres autour de moi, dans les conversations à la maison et surtout au magasin, que, petit garçon, j'en étais parfois presque assourdi et que je n'avais aucune raison de ne pas les prendre pour moi aussi, car les gens que tu injuriais n'étaient assurément pas pires que moi et ne pouvaient te donner plus de mécontentement. Ces injures, tu les renforçais par des menaces qui, elles, me concernaient bel et bien. Terrifiante était par exemple cette phrase que tu me répétais « Je te déchirerai comme un poisson », même si je savais fort bien que rien de grave ne s'en suivrait. Il est vrai que petit garçon, je ne le savais pas. Mais l'idée que tu aurais pu aller jusque-là correspondait presque à la représentation que je me faisais de ton pouvoir. Terrifiant aussi ces moments où tu courais en criant autour de la table pour nous attraper. Tu ne voulais pas du tout nous attraper, c'était évident, mais il n'empêche que tu faisais comme si. Et pour finir, mère avait l'air de nous sauver. Tu avais une confiance particulière dans l'éducation par l'ironie. Il est vrai qu'elle correspondait on ne peut mieux à ta supériorité sur moi. Dans ta bouche, une remontrance prenait d'ordinaire cette forme. Tu ne peux pas faire ça de telle ou telle manière. C'est déjà trop te demander, sans doute. Naturellement, tu n'as pas le temps pour ça. Et autres questions semblables accompagnaient chacune d'un rire et d'un visage méchant. On était, pour ainsi dire, punis avant même de savoir qu'on avait fait quelque chose de mal. Exaspérante aussi cette manière de distribuer les blâmes à la troisième personne. Comme si l'on n'était même pas digne d'entendre directement les méchancetés. Cette façon, par exemple, de t'adresser formellement à mère, mais en réalité à moi qui étais présent pour dire « Bien entendu, on ne peut pas obtenir ça de monsieur mon fils ». La contrepartie ne se fit pas attendre. Je n'osais plus t'interroger directement lorsque mère était présente. Il était beaucoup moins dangereux pour l'enfant de questionner mère assise à côté de toi. On lui demandait par exemple « Comment va père ?» Et on se mettait ainsi à l'abri des surprises. Il y avait aussi des cas naturellement où l'on appréciait fort l'ironie la plus féroce, à savoir quand elle visait quelqu'un d'autre. Ellie, par exemple, avec laquelle j'ai été méchant pendant des années, c'était pour moi un régal de méchanceté et de joie maligne quand presque à chaque repas je pouvais entendre à son propos des choses comme « Il faut toujours qu'elle se tienne à 10 mètres de la table, cette grosse dondon !» et que je te voyais calé sur ton siège sans une once de gentillesse ou d'enjouement, avec au contraire la méchanceté hargneuse de l'ennemi, contrefaire jusqu'à l'outrance la façon parfaitement répugnante à ton goût dont elle se tenait à table. Que deux fois de telles scènes se sont répétées, pour quel piètre résultat concret. Ainsi souffrais-tu, ainsi souffrions-nous? De ton point de vue, tu avais tout à fait raison quand, les dents serrées, avec ce rire de gargouille qui avait suggéré à l'enfant sa première représentation de l'enfer, tu répétais amèrement « Jolie bande !» Par bonheur, il y avait quand même des exceptions. Des moments où l'amour et la bonté, unissant leurs forces, surmontaient tous les obstacles et vous touchaient directement. Certes, ces moments étaient rares, mais ils étaient merveilleux. C'était par exemple l'été, jadis, quand il faisait très chaud, et que je te voyais fatigué faire un petit somme après le déjeuner, le coude appuyé sur le comptoir du magasin. Ou le dimanche, quand tu venais harassé nous rejoindre en villégiature. Ou lorsque mère était gravement malade et que tu te retenais à l'armoire à livres, tout frissonnant de pleurs. Ou encore, pendant ma dernière maladie, quand tu venais sans bruit vers la chambre d'Otla et que, t'arrêtant sur le seuil, tu tendais simplement le cou pour me voir alité et me faire un salut de la main plein de délicatesse. À de tels moments, on s'allongeait pour pleurer de bonheur et on pleure aujourd'hui encore en l'écrivant. Tu as aussi une façon particulièrement belle et trop rarement visible de sourire. Un sourire tranquille, satisfait, approbatif, capable de faire le bonheur de celui à qui il s'adresse. Je n'ai pas le souvenir d'en avoir été formellement gratifié au cours de mon enfance, mais la chose a bien dû se produire. Pourquoi me l'aurais-tu refusé, puisqu'à cette époque encore j'étais innocent à tes yeux et que tu mettais en moi toute ton espérance? D'ailleurs, ces impressions aimables n'ont eu d'autre résultat, à la longue, que d'accroître en moi la culpabilité et de me rendre le monde encore plus incompréhensible. Pour m'affirmer ne fût-ce qu'un peu face à toi, en partie aussi par une sorte de vengeance, je me mis à observer, à recueillir, à exagérer les petits ridicules que je remarquais en toi. Parfois tu t'en apercevais et tu te mettais en colère. Tu y voyais de la méchanceté, un manque de respect, mais crois-moi, ce n'était rien d'autre pour moi qu'un moyen, au demeurant inapproprié, de me conserver moi-même. C'était des plaisanteries comme il s'en propage sur les dieux et les rois, des plaisanteries qui non seulement se concilient avec le plus profond respect, mais en font même partie. Toi-même, d'ailleurs, conformément à la situation analogue dans laquelle tu étais vis-à-vis de moi, tu avais mis en œuvre une sorte de défense. Tu ne cessais de répéter à quel point exagéré j'avais la vie belle, à quel point, au fond, j'étais bien traité. Il est vrai que mère était envers moi d'une bonté sans limite. Mais cette bonté, à mes yeux, s'exerçait en rapport avec toi, donc dans un rapport qui n'était pas bon. Mère jouait sans le savoir le rôle du rabatteur à la chasse. Pour le cas bien improbable où ton éducation aurait pu, en engendrant la rébellion, l'aversion, voire la haine, me rendre indépendant, mère était là chaque fois qui rétablissait l'équilibre par sa bonté, par ses propos raisonnables, et je me voyais rejeté dans ton cercle, auquel, sans cela, je me serais peut-être arraché pour notre bien à tous les deux. Il est vrai aussi que tu ne m'as, pour ainsi dire, jamais vraiment battu. Mais tes cris, ton visage qui virait au rouge, tes bretelles que tu détachais d'un geste sec, leur présence menaçante sur le dossier de la chaise, tout cela pour moi était presque pire. C'est comme quand un homme va être pendu. Si on le pend vraiment, il meurt et tout est fini. Mais s'il doit assister à tous les préparatifs de l'exécution et qu'on ne lui communique sa grâce qu'au moment où le nœud pend devant son visage, il se peut qu'il ait à en souffrir toute sa vie. Sans compter que toutes ces occasions où, selon ton opinion clairement manifestée, j'aurais mérité des coups et où j'y avais échappé de justesse par l'effet de ta grâce, ne faisaient là encore qu'amasser en moi une grande culpabilité. De quelque côté que je me tourne, j'étais ton débiteur. À l'extérieur, le résultat le plus immédiat de cette éducation fut que je me mis à fuir tout ce qui, même de loin, me faisait penser à toi, à commencer par le magasin. J'aurais dû y être heureux pourtant, en particulier dans mon enfance, quand ce n'était encore qu'une boutique. Il était si animé, illuminé le soir, on y voyait, on y entendait des quantités de choses. On pouvait ça et là se rendre utile, se distinguer, mais surtout, on pouvait y voir dans l'exercice de tes prodigieux talents commerciaux, admirer ta manière de vendre, de recevoir les clients, de plaisanter, de t'activer sans être jamais fatigué, de trancher rapidement dans les cas douteux, etc. Rien que ta façon de faire un paquet ou d'ouvrir une caisse était un spectacle digne d'être vu. Et tout cela, au bout du compte, n'était pas la pire école pour un enfant. Mais comme peu à peu, tout en toi m'effrayait, et que le magasin à mes yeux se confondait avec toi, je finis par ne plus me sentir à l'aise là non plus. Des choses qui m'avaient semblé jusqu'alors tout à fait normales, à présent me tourmentaient et me faisaient honte, la manière en particulier dont tu traitais le personnel. Je ne sais pas, peut-être était-ce la même dans la plupart des établissements, mais enfant, les autres établissements étaient le dernier de mes soucis. Toi, par contre, je te voyais et t'entendais crier, injurier, tempêter au magasin comme nulle part au monde, me semblait-il, on ne pouvait le faire. Et il n'y avait pas que l'injure, mais tout l'ordinaire de la tyrannie. Tu étais capable, par exemple, de balayer brutalement du comptoir des marchandises que tu ne voulais pas voir confondues avec d'autres. Et le commis était obligé de les ramasser. Ou bien tu répétais sans cesse à propos d'un commis malade des poumons, « Mais qu'il crève, ce chien, s'il est malade !» Tu appelais les employés des ennemis payés, ce qu'ils étaient, assurément, mais avant même qu'ils le deviennent, tu étais à mes yeux leur ennemi payant. C'est là aussi que je reçus cette grande leçon, tu pouvais être injuste. Je me voyais par là contraint d'adopter le parti du personnel, à quoi s'ajoutait le fait que, trop craintif pour concevoir qu'on pût injurier des étrangers de la sorte, et craignant en retour leur fureur, que j'imaginais terrible, je voulais à tout prix les réconcilier avec toi et avec notre famille, quand ce n'eût été que pour ma propre sécurité. Mais pour y parvenir, une attitude normalement correcte ne suffisait plus, ni même la simple modestie. Il me fallait faire montre d'humilité, non seulement saluer le premier, mais si possible encore éviter qu'on me rende mon salut. Et quand bien même en bas je leur aurais léché les pieds, moi l'insignifiant personnage, cela n'aurait pas compensé les coups que toi, le maître, tu le rassénais d'en haut. De mon aversion pour le magasin, donc pour ton œuvre, de ce rejet dont tu souffrais assurément beaucoup, tu tentas par la suite de tirer tout de même quelques douceurs pour toi en affirmant que je n'avais pas le sens du commerce, que j'avais de plus hautes idées en tête, etc. Cette explication que tu t'arrachais fit naturellement grand plaisir amer, et moi-même, pris dans ma détresse et ma vanité, je me laissais influencer par elle. Mais si ces hautes idées avaient vraiment été la seule ou la principale cause de ma renonciation au commerce, elles auraient dû, pour s'exprimer, emprunter une autre voie que celle qui m'a conduit, nageur calme et craintif, à travers le lycée et les études de droit jusqu'au bord sans retour d'un bureau de fonctionnaire. Si je voulais te fuir, je devais fuir aussi la famille, y compris mère. Certes, on pouvait toujours trouver protection auprès d'elle, mais sans jamais sortir d'un rapport avec toi. Elle t'aimait trop. Elle t'était trop fidèlement dévouée pour pouvoir à la longue représenter une puissance spirituelle indépendante dans le combat que livrait l'enfant. D'ailleurs, l'instinct de l'enfant ne le trompait pas, puisque les années passant, mère n'a cessé de resserrer ses liens avec toi. Tandis que, pour ce qui la concernait elle-même, elle continuait de préserver son indépendance dans de très étroites limites avec une belle délicatesse et sans jamais te blesser gravement. Elle se mit de manière plus affective qu'intellectuelle, mais avec un aveuglement qui n'a fait que croître au cours des années, à adopter sans nuance chaque jugement ou condamnation que tu prononçais sur tes enfants, en particulier dans le cas si difficile d'Otla. Ellie est l'unique exemple d'une tentative presque totalement réussie pour s'arracher à ton cercle. C'est d'elle que je l'aurais le moins attendu dans son enfance. Elle était si lourde, si lasse, si timorée, si maussade, si toujours coupable, si exagérément humble, si méchante, si paresseuse, si gourmande, si avare. Je pouvais à peine la regarder. J'étais incapable de lui parler tant elle me renvoyait à moi-même, tant elle me ressemblait par une même soumission fascinée à ton éducation. Son avarice en particulier me faisait horreur, parce que la mienne était si possible plus grande encore. L'avarice est en effet l'un des signes les plus sûrs d'un profond malheur. J'étais si incertain de toute chose que je ne possédais réellement que ce que j'avais déjà dans les mains ou dans la bouche, ou qui du moins en prenait le chemin. Et c'était cela précisément qu'Élie, dans la même situation, m'enlevait le plus volontiers. Mais tout a changé quand, très jeune, c'est le point capital, elle a quitté la maison pour se marier et avoir des enfants. Elle est alors devenue gaie, insouciante, courageuse, généreuse, désintéressée, pleine d'espoir. Il est presque incroyable que tu n'aies absolument pas remarqué ce changement. En tout cas, tu ne l'as pas apprécié comme il le méritait, tant tu es aveuglé par la rancune que tu as depuis toujours contre Élie et qui, au fond, n'a pas changé à cela près qu'elle est devenue beaucoup moins actuelle maintenant qu'Élie n'habite plus chez nous. Dotla, c'est à peine si j'ose parler. Je sais qu'en le faisant, je mets en jeu tous les faits que j'attends de cette lettre. Tu as été jusqu'à m'avouer que selon toi, il y a chez elle une volonté délibérée de te faire souffrir et de te contrarier, et que chaque fois que tu souffres à cause d'elle, elle est satisfaite et heureuse. Donc, une espèce de diable. Faut-il que vous soyez devenus monstrueusement étrangers l'un à l'autre, plus encore que toi et moi, pour qu'une aussi monstrueuse méconnaissance soit possible? Elle est si loin de toi que tu ne la vois pour ainsi dire plus. Tu installes un fantôme à la place que tu supposes être la sienne. J'avoue qu'avec elle, tu as eu la tâche spécialement difficile. Entre toi et moi, ce n'était pas un véritable combat. J'avais tôt fait d'être éliminé. Il me restait la fuite, l'amertume, le deuil, le combat intérieur. Vous deux, en revanche, vous étiez toujours en position de combat, toujours d'attaque, toujours plein de force. Spectacle aussi grandiose que désolant, car il est certain qu'au tout début, vous avez été très proches l'un de l'autre. Et aujourd'hui encore, Otla est peut-être de nous quatre l'image la plus pure de ton union avec Mère et des forces qui se sont conjuguées là. J'ignore ce qui vous a privé de cette heureuse harmonie entre père et enfant, mais je ne suis pas loin de penser que l'évolution a été la même que dans mon cas. De ton côté, la tyrannie de ton caractère, du sien l'esprit rebelle des Levis, leur susceptibilité, leur sentiment de la justice, leur inquiétude, tout cela soutenu par la conscience de posséder la force des Kafka. Sans doute l'ai-je influencé, moi aussi, mais moins de mon propre mouvement que du simple fait de mon existence. D'ailleurs, en tant que dernière venue, elle est entrée dans un rapport de force déjà établi et a pu former son jugement elle-même à partir des nombreux matériaux qu'elle avait sous les yeux. J'imagine même qu'elle a balancé un moment entre se jeter dans tes bras ou dans ceux de tes adversaires. En la repoussant alors, tu as manifestement laissé passer quelque chose, mais si cela avait été possible, vous auriez formé un couple d'une splendide harmonie. Tout cela aujourd'hui n'est plus qu'un rêve. Otla n'a aucun lien avec son père, elle doit chercher son chemin seule, comme moi, et son plus d'assurance, d'aplomb, de santé, d'absence de scrupules ne fait que la rendre à tes yeux plus méchante et plus traître que moi. Je le comprends, vu par toi, elle ne peut être autrement. Je n'en perdais pas pour autant le sens de la famille, comme tu dis. Au contraire, je lui accordais encore plus de sens, un sens, il est vrai, avant tout négatif, puisqu'il s'agissait de me détacher intérieurement de toi. Mais plus encore, si possible, ce sont mes rapports avec les gens en dehors de la famille qui ont souffert de ton influence. La méfiance que tu cherchais à m'inculquer, tant au magasin qu'en famille, envers la plupart des gens, cette méfiance qui, à mes yeux de petit garçon, ne se trouvait justifiée nulle part, puisque je ne voyais partout que des gens d'une inaccessible perfection, devenait chez moi méfiance envers moi-même et peur permanente de tous les autres. Ce n'était donc certainement pas là que j'aurais pu trouver mon salut, le moyen en général de me libérer de toi. Si tu l'as cru pourtant, c'est peut-être parce qu'en vérité tu ignorais tout de mes rapports avec les gens. Et parce que ta méfiance et ta jalousie, ai-je jamais nié que tu m'aimes, te suggéraient qu'il fallait bien que je me dédommage ailleurs de tout ce dont je me privais dans la vie de famille, car enfin il n'était pas possible que j'aie la même vie au dehors. Mon salut, je ne l'ai pas davantage trouvé dans le judaïsme. Ici, pourtant, il n'aurait pas été en soi inconcevable. De la petite communauté villageoise, proche du ghetto dont tu étais issu, tu avais effectivement rapporté quelque chose du judaïsme. Ce n'était pas beaucoup, et il s'en était encore perdu à la ville et à l'armée, mais quoi qu'il en soit, ses impressions et ses souvenirs de jeunesse suffisaient juste à entretenir une sorte de vie juive. Au fond, la foi qui dirigeait ta vie consistait à croire en l'absolue justesse des opinions d'une certaine classe sociale juive et donc, puisque ces opinions faisaient partie de ta nature, à croire en toi-même. Les quelques riens dont tu t'acquittais au nom du judaïsme avaient du sens en tant que souvenir d'une époque ancienne, et c'est pourquoi tu voulais me les communiquer. Mais comme ils n'avaient plus, même pour toi, de valeur propre, tu ne pouvais le faire que par la persuasion ou la menace. Cette conception que je me faisais de ton judaïsme s'est trouvée dans une certaine mesure confirmée après coup par ton attitude au cours des dernières années, quand il t'est apparu que je m'occupais davantage de choses juives. Par mon entremise, le judaïsme était devenu pour toi un objet d'horreur. Les écrits juifs étaient illisibles, ils te dégoûtaient. Il m'est apparu alors que ton dégoût, outre qu'il n'était pas d'abord dirigé contre le judaïsme et contre ma personne, ne pouvait signifier qu'une chose, à savoir que tu reconnaissais inconsciemment la faiblesse de ton judaïsme et de mon éducation juive, que tu ne voulais en aucune manière qu'on te le rappelle, et qu'à tous les rappels, tu répondais par une haine ouverte. Tu as touché plus juste avec ton aversion pour mon travail d'écriture et pour ce qui s'y rattachait, dont tu ignorais tout. Là, effectivement, j'avais fait un bout de chemin autonome pour m'éloigner de toi, même si cette avancée rappelait un peu le ver de terre qui, l'arrière du corps coincé sous le pied qui l'écrase, s'arrache le devant et se traîne à l'écart. J'étais, pour ainsi dire, en sûreté, je pouvais respirer. L'aversion que tu ne manquas pas de manifester aussitôt pour mes écritures, comme tu le faisais pour le reste, fut ici exceptionnellement la bienvenue. Ma vanité, mon ambition eurent certes à souffrir de l'accueil devenu célèbre parmi nous que tu faisais à mes livres. Pose ça sur la table de nuit. La plupart du temps, en effet, quand un livre arrivait, tu étais dans une partie de cartes. Mais au fond, je m'en trouvais bien parce que derrière cette formule, j'entendais quelque chose comme « Maintenant, tu es libre ». Bien sûr, c'était une illusion. Je n'étais pas, ou dans le meilleur des cas, pas encore libre. Ce que j'écrivais traitait de toi. Je ne faisais qu'exprimer là des plaintes que je ne pouvais exprimer contre ta poitrine. C'était volontairement tiré en longueur des adieux que je te faisais, à cela près qu'il m'était imposé par toi, même s'il suivait une direction déterminée par moi. Mais comme tout ça était peu de choses, il ne vaut la peine d'en parler que parce que ça a dominé ma vie, et si l'on veut, mais une fois de plus sous tes traits, dicter les quelques petites décisions que j'ai prises. Par exemple, le choix d'une profession. Depuis toujours, ton orgueil paternel, ton ignorance de mon existence véritable et les conclusions que tu tires de ma fragilité physique te font croire que je suis particulièrement travailleur. À t'entendre, je n'ai jamais cessé, étant enfant, d'apprendre et plus tard d'écrire. Or, cette croyance est aux antipodes de la vérité. On peut dire au contraire avec beaucoup moins d'exagération que j'ai peu appris et rien étudié à fond. En tout cas, le résultat en termes de savoir, et en particulier de base du savoir, est absolument lamentable, comparé à la dépense de temps et d'argent dans le cadre d'une vie paisible et extérieurement sans souci, comparé surtout au savoir de la plupart des gens que je connais. Lamentable, mais pour moi compréhensible. J'étais si profondément occupé, depuis que je suis en mesure de penser, par le souci d'affirmer mon existence spirituelle, que tout le reste m'était indifférent. Je n'étais occupé que du souci de moi, mais ce souci prenait les formes les plus diverses. Je m'inquiétais par exemple de ma santé. Cela commença de façon bénigne, puis les choses s'aggravèrent suivant d'innombrables degrés pour finir par une vraie maladie. Mais comme je n'étais sûr de rien, comme j'attendais de chaque instant une nouvelle confirmation de mon existence, comme je ne possédais rien qui fût ma propriété réelle, incontestable, exclusive, clairement définie par moi seul, comme j'étais en somme un fils déshérité, je me pris à douter aussi de ce qui m'était le plus proche, mon propre corps. Je n'arrêtais pas de grandir, mais je ne savais que faire de toute cette hauteur. La charge était trop lourde, le dos se voûtait. J'osais à peine bouger, je fuyais à la gymnastique, je restais faible. J'en vins à regarder comme un miracle tout ce dont je disposais encore. Ma bonne digestion, par exemple. Cela me suffit pour la perdre. Et la voie fut ouverte à l'hypocondrie la plus totale jusqu'au jour où, épuisé par les efforts surhumains que m'imposait la volonté de mariage, je finis par cracher le sang. Tout cela, donc, ne provenait pas d'un excès de travail, comme tu te l'es toujours imaginé. Il y a eu des années où, en pleine santé, j'ai passé plus de temps à traîner sur le canapé que tu ne l'as fait dans ta vie entière, toute maladie comprise. Je n'avais pas de disposition particulière à la paresse, mais pour moi, il n'y avait rien à faire. Là où je vivais, j'étais rejeté, condamné, écrasé. Et s'il est vrai que la quête d'une fuite extérieure exigeait de moi des efforts extrêmes, ce n'était pas un travail. Il s'agissait d'une tâche impossible qui, à quelques petites exceptions près, n'était pas à la mesure de mes forces. C'est donc dans cet état que je reçus la liberté de choisir une profession. Mais étais-je encore capable de faire usage d'une telle liberté? Avais-je encore suffisamment confiance en moi pour accéder à une vraie profession? La conscience de ma valeur dépendait beaucoup plus de toi que de n'importe quoi d'autre, d'un succès extérieur par exemple. Le succès n'était que le réconfort d'un instant, rien d'autre, tandis que ton poids me tirait avec toujours plus de force vers le bas. Jamais, pensais-je, je n'entrerai en première année d'école élémentaire, mais je réussis, j'eus même un prix. Dans ce cas, je ne manquerai pas d'échouer à l'examen d'entrée au lycée, mais je réussis. Cependant, je n'en tirais aucune assurance, au contraire, j'étais toujours convaincu, et ta mine renfrognée m'en apportait la preuve formelle, que plus je réussissais, plus les choses ne pourraient que se terminer mal. Souvent, je me représentais la terrifiante assemblée des professeurs qui, au moment de mon passage réussi de la première à la seconde classe, puis de la seconde à la troisième, puis de la troisième à la quatrième, et ainsi de suite, se réuniraient pour examiner ce cas unique, ce cas révoltant, et découvrir comment j'avais réussi, moi, l'élève le plus incapable et en tout cas le plus ignorant, à me glisser jusqu'à la hauteur de cette classe qui, maintenant que l'attention générale était attirée sur moi, n'allait pas manquer de me vomir sous les cris d'allégresse de tous les justes délivrés de ce cauchemar. Il n'est pas facile pour un enfant de vivre avec de pareilles images. Les choses continuèrent ainsi jusqu'au baccalauréat, que j'obtins cette fois réellement par la triche, en partie du moins. Puis, il y eut un arrêt. Maintenant, j'étais libre. Si jusque-là, en dépit de la contrainte du lycée, je ne m'étais soucié que de moi, à quoi ne pouvait-on s'attendre maintenant que j'étais libre ? Mais libre, je ne l'étais pas véritablement face au choix d'une profession. Je savais que tout ce qui ne toucherait pas à l'essentiel me serait aussi indifférent que les matières étudiées au lycée. Il s'agissait donc de trouver une profession qui, sans trop blesser ma vanité, me permettrait d'entretenir au mieux cette indifférence. Et de ce point de vue, quoi de plus évident que le droit ? Ce qui veut dire que chaque année, pendant les quelques mois précédant les examens, je me détraquais les nerfs en nourrissant littéralement mon esprit d'une sciure de bois que, par-dessus le marché, des milliers de bouches avaient mâché avant moi. Mais, en un sens, ce régime était tout à fait à mon goût, comme auparavant le lycée et plus tard le travail de bureau, car tout cela correspondait parfaitement à ma situation. Ici, en tout cas, j'avais fait preuve d'une étonnante clairvoyance. Tout petit déjà, j'avais des pressentiments sans ambiguïté concernant les études et la profession. Je n'en attendais aucun salut. J'avais renoncé depuis longtemps à chercher de ce côté. En revanche, je n'ai montré aucune clairvoyance concernant l'importance et la possibilité du mariage pour moi. Cette terreur, la plus grande que j'ai connue jusqu'ici, s'est abattue sur moi presque à l'improviste. L'enfant avait eu un développement si lent que ces choses lui étaient restées en apparence totalement étrangères. Il fallait bien de temps à autre y penser, mais rien ne laissait prévoir qu'une épreuve durable, décisive et même la plus amère de toutes l'attendait ici. Le fait est là, pourtant, les tentatives de mariage sont devenues la plus grandiose et la plus prometteuse des tentatives de salut, laquelle, il est vrai, s'est soldée par un échec non moins grandiose. Se marier, fonder une famille, accepter tous les enfants qui arrivent, les faire vivre dans ce monde incertain et même les guider un peu, c'est là, j'en suis convaincu, la plus haute réussite à laquelle un être humain puisse parvenir. Or, comment étais-je préparé à cela, aussi mal que possible? Pour autant qu'on puisse y préparer directement l'individu et créer de toutes pièces les conditions requises, tu n'es pas beaucoup intervenu de l'extérieur. Il est difficile d'ailleurs de faire autrement. Ce qui décide dans ce domaine, c'est la morale sexuelle propre à une classe, un peuple, une époque. Quoi qu'il en soit, là encore, tu es intervenu. Pas beaucoup, car une intervention de ce genre suppose une solide confiance réciproque, et nous en manquions tous deux depuis longtemps au moment décisif, et pas de façon très heureuse, parce que nos besoins étaient entièrement différents. Je pense ici à la petite explication que nous avons eue l'un de ces jours mouvementés qui ont suivi l'annonce de mon dernier projet de mariage. Ce jour-là, tu m'as dit, en substance, je suppose qu'elle avait choisi son corsage comme les Juifs de Prague savent le faire, et toi, naturellement, tu as tout de suite décidé de l'épouser. Et le plus vite possible, qui plus est, dans la semaine, le lendemain, le jour même. Je ne te comprends pas. T'es pourtant adulte, tu vis en ville, tu ne trouves pas d'autre solution que de proposer le mariage à la première venue. N'y a-t-il vraiment pas dans ce cas d'autres possibilités? Si t'as peur d'y aller, je t'accompagnerai. Je ne crois pas que tu m'aies jamais aussi profondément humilié par tes paroles, ni plus clairement manifesté ton mépris. Le choix que je faisais d'une jeune fille ne signifiait rien pour toi. Tu avais toujours, inconsciemment, réprimé ma capacité de décision, et tu croyais, inconsciemment, savoir ce qu'elle valait maintenant. Tu ne savais rien des tentatives que je faisais pour trouver mon salut dans d'autres directions. Tu ne pouvais donc rien savoir des pensées qui m'avaient conduit à cette tentative de mariage. Tu ne pouvais que chercher à les deviner. Et fidèle en cela au jugement d'ensemble que tu portais sur moi, tu allais vers le plus abject, le plus balourd, le plus ridicule. Et tu n'hésitais pas un instant à me le dire dans les termes correspondants. La honte que tu m'infligeais, ce faisant, n'était rien à tes yeux comparée à celle que j'aurais, selon toi, infligée à ton nom par ce mariage. Cela dit, il t'est toujours possible de me répondre bien des choses à propos de mes tentatives de mariage, et c'est d'ailleurs ce que tu as fait. Je ne pouvais guère m'attendre à ce que tu respectes ma décision, alors que par deux fois j'ai rompu mes fiançailles avec F, et par deux fois renoué, alors que je vous ai, mère et toi, inutilement traînés à Berlin pour ces mêmes fiançailles, et ainsi de suite. Tout cela est vrai, mais comment en était-on arrivé là? Pourquoi ne me suis-je pas marié? L'obstacle essentiel, hélas indépendant des cas particuliers, c'est que je suis de toute évidence spirituellement inapte au mariage. Cela se traduit par le fait que dès l'instant où je prends la décision de me marier, je ne peux plus dormir. J'ai la tête en feu jour et nuit, ce n'est plus une vie, je me sens désespérément ballotté. Ce ne sont pas à proprement parler les soucis qui provoquent cet état. Non, le coup décisif me vient d'ailleurs de la pression générale qu'exerce l'angoisse, la faiblesse, le mépris de moi-même. Je vais essayer d'être plus précis. Les tentatives de mariage sont l'occasion, au sein de mes relations avec toi, d'un affrontement plus violent que partout ailleurs entre deux éléments apparemment opposés. Le mariage est à coup sûr la garantie de l'indépendance et de la plus rigoureuse libération de soi-même. J'aurai une famille, ce qui est à mes yeux ce qu'on peut atteindre de plus haut. J'aurai donc ce que tu as toi-même atteint de plus haut, et je serai par là ton égal. Toutes les vieilles hontes et tyrannies éternellement renouvelées seraient renvoyées à l'histoire. Ce serait évidemment digne d'un conte de fées, mais c'est là justement où gît le doute. C'est trop. On ne peut pas atteindre autant. C'est comme si un homme était détenu dans une prison et que, non content de projeter une évasion, ce qui serait peut-être réalisable, il projetait dans le même temps de transformer la prison en château de plaisance. Mais s'il s'évade, il ne transforme pas. Et s'il transforme, il ne s'évade pas. Si dans la relation particulièrement malheureuse que j'entretiens avec toi, je veux devenir indépendant, je dois faire quelque chose qui n'ait, si possible, aucun rapport avec toi. Le mariage est sans doute, dans cet ordre d'idées, ce qu'il y a de plus grand à faire, ce qui assure l'indépendance la plus respectable, mais c'est aussi et en même temps ce qui est le plus étroitement en rapport avec toi. Il y a donc quelque chose de fou à vouloir sortir de là. Et chaque tentative est presque punie de folie. Tel que nous sommes, le mariage m'est fermé à clé, parce qu'il est précisément ton domaine le plus personnel. Parfois, j'imagine la carte du monde déployée devant moi et toi étendue en travers d'un bout à l'autre. J'ai l'impression alors que seules peuvent entrer en ligne de compte pour ma vie les régions que tu ne recouvres pas ou celles qui ne sont pas à ta portée. Et telle est l'image que je me fais de ta grandeur, qu'elles ne sont ni nombreuses ni très consolantes et surtout le mariage n'est pas du nombre. Il existe une opinion selon laquelle la peur du mariage vient parfois de ce que l'on craint que les enfants ne vous fassent payer plus tard les fautes dont on s'est rendu coupable vis-à-vis de ses propres parents. Je ne crois pas que dans mon cas ce facteur ait eu une grande importance. Pourtant, je dois le dire, un fils tel que moi, muet, sec, enfermé, abâtardi, me serait insupportable. Si je n'avais aucune autre possibilité, je le fuirais probablement. J'émigrerai comme tu as voulu le faire à cause de mon mariage. Mais beaucoup plus importante est en l'occurrence la peur que j'éprouve à mon sujet et qui doit se comprendre ainsi. J'ai déjà indiqué que dans mon travail d'écriture et ce qui s'y rattache, j'ai fait, avec un succès des plus limités, de petits essais d'indépendance, de petites tentatives de fuite. Ils n'auront guère de suite, bien des choses me le confirment. Malgré tout, il est de mon devoir de veiller sur eux. Ou plutôt, ma vie consiste à veiller sur eux, à écarter d'eux tout danger qu'il m'est possible d'écarter, toute possibilité même d'un tel danger. La vie de couple représente la possibilité d'un tel danger. Elle représente aussi, c'est vrai, celle du plus grand encouragement, mais il me suffit qu'elle ouvre sur un possible danger. Que ferais-je alors, s'il y a bel et bien danger ? Comment pourrais-je continuer à vivre une vie de couple avec le sentiment peut-être indémontrable, mais en tout cas irréfutable, de ce danger ? Face à ces questions, je peux bien me sentir ballotté. L'issue ne fait pas de doute. Je dois renoncer. Le proverbe du moineau dans la main et du pigeon sur le toit ne s'applique ici que de manière lointaine. Dans la main, je n'ai rien. Sur le toit, il y a tout. Et pourtant, ainsi en décident les données du combat et les nécessités de la vie, je dois choisir le rien. C'est bien ainsi déjà que j'ai dû me prononcer dans le choix de ma profession. Jusqu'à mes tentatives de mariage, j'ai grandi un peu comme un homme d'affaires qui, malgré les soucis et les mauvais pressentiments, ne tient pas une comptabilité rigoureuse et vit au jour le jour. Il a quelques petits bénéfices, qu'en raison de leur rareté, il ne cesse de caresser et d'exagérer dans son imagination. Pour le reste, chaque jour qui passe n'amène que des pertes. Tout est enregistré, mais le bilan n'est jamais fait. Vient alors le jour du bilan, c'est-à-dire la tentative de mariage, et devant les grosses sommes sur lesquelles il faut opérer, tout se passe comme s'il n'y avait jamais eu le plus petit bénéfice. Tout n'est qu'une seule et immense dette. Et maintenant, va te marier sans devenir fou. Ainsi s'achève la vie que j'ai partagée avec toi jusqu'à ce jour. Et telles sont les perspectives d'avenir qu'elle porte en elle. Considérant la manière dont je justifie la crainte que j'ai de toi, tu pourrais répondre « Tu prétends que je me donne beau jeu en expliquant ma relation avec toi par ta seule culpabilité. Mais il me semble qu'en dépit des efforts que tu déploies, ta position n'est pour le moins pas plus difficile et à coup sûr beaucoup plus payante. » Tu commences en niant à ton tour toute culpabilité, toute responsabilité, donc en adoptant le même procédé. Mais ensuite, alors que pour ma part je dis aussi franchement que je le pense, que toute la culpabilité est de ton côté, toi tu veux te montrer à la fois supérieurement intelligent et supérieurement délicat, en l'écartant de mon côté même. Naturellement, tu n'y réussis qu'en apparence, tu ne cherches d'ailleurs pas davantage. Et malgré tes belles phrases sur la nature, le tempérament, les oppositions de caractère et autres abandons, il apparaît entre les lignes que je suis bien l'agresseur et que tu n'as jamais fait que te défendre. Ainsi, par ta seule mauvaise foi, tu aurais déjà atteint ton but en démontrant trois choses. Premièrement, que tu es innocent. Deuxièmement, que je suis coupable. Et troisièmement, que tu es prêt, par pure grandeur d'âme, non seulement à me pardonner, mais ce qui est à la fois plus et moins, à prouver encore et même à te convaincre qu'à l'encontre de la vérité, je suis moi aussi innocent. Cela pourrait te suffire, mais cela ne te suffit pas, car tu t'es mis en tête de vivre de moi. Je t'accorde que nous nous combattons, mais il y a deux sortes de combats. Le combat chevaleresque, où des adversaires indépendants mesurent leurs forces, où chacun reste soi-même, perd pour soi, vainc pour soi, et le combat de la vermine, qui non seulement pique, mais encore suce le sang pour assurer sa subsistance. C'est là, à proprement parler, le combat du soldat de métier. Et c'est bien ce que tu es. Inapte à vivre, voilà ce que tu es. Pour pouvoir t'en accommoder au mieux, sans avoir à te faire ni soucis ni reproches, tu démontres que je t'ai pris toute ton aptitude à vivre et que je l'ai mise dans ma poche. Que t'importe à présent d'être inapte à vivre ? C'est moi le responsable. Tu n'as plus qu'à t'allonger, à te laisser traîner par moi à travers la vie, physiquement et spirituellement. Un exemple, quand tu as voulu te marier dernièrement, tu voulais en même temps, tu l'avoues toi-même dans cette lettre, ne pas te marier. Mais tu voulais aussi, pour t'épargner tout effort, que je t'aide à éviter le mariage en t'interdisant cette union à cause de la honte qu'elle ferait rejaillir sur mon nom. Seulement voilà, l'idée ne m'en est même pas venue. Mais l'effort qu'il m'en a coûté pour te laisser libre de te marier m'a-t-il aidé en quoi que ce soit ? Pas le moins du monde. Mon aversion pour ce mariage ne l'aurait pas empêché, au contraire. Elle n'aurait pu en soi que t'inciter davantage à épouser la jeune fille, car alors la tentative de fuite, comme tu dis, aurait été parfaite. Et l'autorisation que je t'ai donnée au mariage n'a pas empêché tes reproches, puisque tu le prouves suffisamment, je suis de toute façon coupable de ton non-mariage. Mais au fond, sur ce point, comme sur tous les autres, la seule preuve pour moi que tu as apportée, c'est que tous mes reproches étaient justifiés. Et qu'il en manquait même un, qu'il était particulièrement le reproche de mauvaise foi, de basse complaisance et de parasitisme. Parasitisme, qui, si je ne m'abuse, se trouve une fois de plus illustré par cette lettre même. À cela, je réponds d'abord que cette longue objection, qu'on peut du reste en partie retourner contre toi, ne vient pas de toi, mais justement de moi. Car même ta méfiance envers les autres n'égale pas la méfiance envers moi dans laquelle tu m'as élevé. Que cette objection, qui en soi enrichit la description de nos rapports, soit dans une certaine mesure justifiée, je ne le nie pas. Naturellement, les choses ne peuvent s'arranger dans la réalité comme les preuves dans ma lettre. La vie est plus qu'un jeu de patience. Mais avec le correctif qu'imposerait cette objection, correctif que je ne peux ni ne veux développer ici, il me semble que je suis parvenu malgré tout à quelque chose qui sert la vérité d'assez près pour nous apaiser un peu, toi et moi, et nous rendre plus légers le vivre et le mourir. Franz. C'était Paroles de Nez en collaboration avec la Bibliothèque nationale de France. André Dussolier lisait des extraits de La lettre au père de Franz Kafka dans la traduction de François Rey, publiée à la petite bibliothèque Ombre. Cet enregistrement a été effectué le 26 mars 1997 au Grand Auditorium de la Bibliothèque nationale de France. Olivier Berotte, Guy Peyramor, Marguerite Gâteau. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 21 avril 1997. Vous pouvez la réécouter ou la télécharger en ligne sur le site francecultures.fr à la page des nuits.